pas besoin de s'habiller, tellement j'étais belle. On s'attend aux pires déceptions qui tellement fait nous mal, il est entre nous. C'est seul qui vient de décider. Depuis qu'il y a la vie et l'espoir, ça va changer. À nous. We'll be right back. pour moi. Pas tout visil pour moi. Arrêtez pour moi. Un bel pour moi. A conserver pour moi. Yeah.